Les journées, Swann les passait sans Odette. Et par moments, il se disait que laisser une aussi jolie femme sortir ainsi seule dans Paris était aussi imprudent que de poser un écrin plein de bijoux au milieu de la rue. Alors, il s'indignait contre tous les passants, comme contre autant de voleurs. Mais leur visage collectif et informe, échappant à son imagination, ne nourrissait pas sa jalousie. Quelquefois, quand Odette avait fait un court déplacement, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle songeait à lui faire savoir qu'elle était revenue à Paris. Et elle lui disait tout simplement, sans plus prendre comme autrefois la précaution de se couvrir, à tout hasard, d'un petit morceau emprunté à la vérité, qu'elle venait d'y rentrer à l'instant même par le train du matin. Ces paroles étaient mensongères. Du moins, pour Odette, elles étaient mensongères. Mais, dans l'esprit de Swann, au contraire, ces paroles, qui ne rencontraient aucun obstacle, venaient s'incruster et prendre l'inamovibilité d'une vérité si indubitable que, si un ami lui disait être venu par ce train et ne pas avoir vu Odette, il était persuadé que c'était l'ami qui se trompait d'un jour ou d'heure, puisque son dire ne se conciliait pas avec les paroles d'Odette. Celles-ci ne lui eussent paru mensongères que s'il s'était d'abord défié qu'elles le fussent. Pour qu'il crût qu'elle mentait, un soupçon préalable était une condition nécessaire. C'était d'ailleurs aussi une condition suffisante. Alors, tout ce que disait Odette lui paraissait suspect. L'entendait-il citer un nom? C'était certainement celui d'un de ses amants. Une fois cette supposition forgée, il passait des semaines à se désoler. Il s'aboucha même une fois avec une agence de renseignement pour savoir l'adresse, l'emploi du temps de l'inconnu qu'il ne laisserait respirer que quand il serait parti en voyage, et dont il finit par apprendre que c'était un oncle d'Odette mort depuis 20 ans.